Esteu escoltant Hola la Music, el programa de música francesa presentat per Rafael Corbí. Així escoltàvem la música per començar el nostre espai del dia d'avui de la música de les Vagamonds i aquest tema que acabem d'escoltar, els millors anys, sense dubte, els anys més hermosos que ens han acompanyat. Soc Rafael Corbí i això és un programa de música en francès que es diu Hola la Music, Hola la, la música, programa número 171, que espero que us agradi, en gent que ve a continuació, com Vanessa Pagadís, en Francis Cabrel, Flox o Terès Montcalm. Tots ells a continuació, tots ells i elles, a continuació, a Hola la Music. La scène, tellement jolie, elle m'ensorcelle. La scène, extra lucide, la lune est sûre. La scène, tu n'es pas sourd, Paris est sourd. La scène. Comme ça, la scène et moi, je ne sais pas pourquoi.

oublier ses souvenirs. Installée dans mon fauteuil, je ne sais trop que dire. Par les vapeurs de l'ivresse, trop ivre de solitude, je laisse monter la tristesse, admirant le crépuscule. Inconsolable, y a rien à faire. Déchiré par l'horreur d'un amour sans retour. Inconsolable, rien ne va plus. J'essaye mes complètement dérouté. Dans ma tête tout s'égare comme une île séparée. Si le mouvement de la mer rejette une épave, moi je suis muette, les yeux dans la vague. Déchiré par l'horreur d'un amour sans retour. Inconsolable, rien, rien ne va plus. J'essaye mes si j'en avais besoin. Le visage des autres me rappelle le tien. Moi c'est le vent que j'attends pour qu'il disperse la brume et soulève mes tourments sans garder de rancune. Déchiré par l'horreur d'un amour sans retour. Inconsolable, rien, rien ne va plus. J'essaye mes têtes. Esteu escoltant Ulala Music. Dans le vieux faubourg tout chargé d'amour, près du pont de la Villette, un soir je flânais, un refrain traînait, un air de valse musette. Comme un vieux copain me prenant la main, il m'a dit bien, pourquoi le cacher, ma foi j'ai marché et j'ai tout trouvé. Le petit bal du samedi soir où le cœur plein d'espoir danse les midinettes, pas de frais pour la toilette. Pour ça vous avez le bonsoir. Mais du bonheur dans les yeux de tous les amoureux, ça m'a touché, c'est bête. Je suis entré dans la fête, l'air digne et le cœur joyeux. Et d'ailleurs il ne manquait rien, il y avait tout ce qu'il convient, les moulets du vin rouge. Au troisième flacon ça bouge, au quatrième ça va bien. Alors il vaut mieux s'asseoir, le patron vient vous voir, il vous dit c'est la mienne. Et c'est comme ça toutes les semaines, au petit bal du samedi soir. Vous l'avez deviné, j'y suis retourné, maintenant je connais tout le monde. Victor et Titi, Fernand le tout petit, Nénette et Mimi la blonde. D'ailleurs de beaux yeux, y'en a tant qu'on veut, ils vont par deux. Et blague dans les coins, on est aussi bien qu'au tabarin. Au petit bal du samedi soir, où le cœur plein d'espoir danse les midinettes. Pas de frais pour la toilette, pour ça vous avez le bonsoir. Mais du bonheur des aveux, car tous les amoureux se montent un peu la tête. Quand l'accordéon s'arrête, ils vont s'asseoir deux par deux. De temps en temps, un garçon pousse une petite chanson, ça fait rêver les filles. Dans le noir, il y a des yeux qui brillent, on croirait des petits lampions. Oui, des lampions merveilleux, du carnaval joyeux, d'une fête éternelle. On serre un peu plus sa belle, au petit bal des amoureux. Un dimanche matin, avec Baptistin, c'est le patron de la guinguette. On s'est attablé et nous avons joué au chemin de fer en tête à tête. Comme il perdait trop, il a fait le bistrot. J'ai dit banco, j'ai gagné ma foi. Et depuis 3 mois, il est à moi. Le petit bal du samedi soir, où le cœur plein d'espoir danse les midinettes. Pas de frais pour la toilette, pour ça vous avez le bonsoir. Mais du bonheur des aveux, car tous les amoureux se montent un peu la tête. Quand l'accordéon s'arrête, au petit bal du samedi soir. On serre un peu plus sa belle, au petit bal du samedi soir. Així hem anat enrere amb el temps per recordar també una música extraordinària, aquest en George Nguetaghi, que ens acompanyava amb la seva música, un personatge d'aquells destacats amb èpoques molt passades. La veritat és que en aquests darrers moments hem escoltat una mica de tot, la Vanessa Paradis, magnífica, en Francis Cabrel, Flox, el jazz de Therese Montcalm, o aquesta música que ens aporten el petit ball del dissabte, al vespre, Sammy de Suar, penso que vol dir això. Patricia Cas també ens acompanyarà amb Adele. Dolphin Leroy, una de les meves cantants predilectes, també serà a continuació amb una de les seves peces. I Aka Jong, també una de les propostes musicals, en aquest cas, que ens porten també a Olala Música. Allons marcher, Adèle, je te dirai ce que les femmes vivent depuis que je suis môme, vivent depuis que je suis dame. Allons marcher, ma belle amie, je te donnerai quelques clés. J'essaierai d'être bien précise, oh comme j'ai pu te ressembler. Allons marcher, ma belle, je sais comment te consoler, te montrer que je t'ai comprise, oh comme j'ai pu te ressembler. Ce sera 2 fois plus dur que les autres, mais 2 fois plus forte tu l'es. T'inquiète pas, de soutien tu n'auras que le nôtre, mais ça suffira, ça suffira. Ce sera 2 fois plus dur que les autres, mais 2 fois plus forte tu l'es. T'inquiète pas, de soutien tu n'auras que le nôtre, mais ça suffira. Allons marcher, Adèle. Il te faudra bien accepter que c'est plus simple pour lui que pour elle. Mais au diable la simplicité. Allons marcher, ma belle. Allons courir et le glaive à la main. Allons faire mentir ceux qui disent Adèle, c'est comme ça et on n'y peut rien. On y peut, c'est certain. Mais ce sera deux fois plus dur que les autres, mais deux fois plus forte tu l'es. T'inquiète pas, de soutien tu n'auras que le nôtre. Mais ça suffira, ça suffira. Ce sera deux fois plus dur que les autres, mais deux fois plus forte tu l'es. T'inquiète pas, de soutien tu n'auras que le nôtre. Mais ça suffira, ça suffira. Ce sera deux fois plus dur que les autres, deux fois plus forte tu l'es. T'inquiète pas, de soutien tu n'auras que le nôtre. Mais ça suffira. Je prends le risque pour estomper des cicatrices, parfaitement insaisissable. Je me fonds dans ton paysage d'un doigt distrait, j'en suis le galbe en parfaite. Thank you. quand m'a levé. Elle m'a baillé la botte, ça prend plus de temps. J'ai sorti la porte vite comme le vent. Jamais j'ai vu si tant fâché avec tes poings levés. Elle m'a baillé la botte, je vais le regretter. Charlie me faire traîner de fou. Il m'a averti de ne pas courir les chemins avec mes jambes. Et que c'est pas juste un homme que je veux avoir un peu de fond. Il m'a baillé la porte, ça prend plus de temps. J'ai sauté la porte vite comme le vent. T'en fâcher avec le poing levé. Il m'a baillé la botte, je vais le regretter. Il m'a baillé la botte, ça prend plus de temps. J'ai sorti la porte vite comme le vent. Jamais j'ai vu si t'en fâcher avec le poing levé. Il m'a baillé la botte, regreté. Això és Hola la Music, el programa de música francesa a la teva emissora. Écoutez ça, les amanches, les escarpes et les marlous. C'est l'histoire d'un drôle de grinche, tronche d'amour, gueule de voyou. C'est une histoire féroce qui fera pleurer les frangins, qui fera chialer les gosses de Belleville jusqu'à Pantin. Pleurez pas dans vos mouchoirs. Non, ça n'est pas mon histoire. C'est l'histoire triste et sordide d'un gigolo de la vache noire qui aimait d'un amour stupide une bourgeoise des boulevards. L'avait pas une gueule trop moche sous sa casquette de fortif. Il traînait à la bastoche où c'est qui jouait du canif. Pleurez pas dans vos mouchoirs. Non, ça n'est pas mon histoire. C'était le roi des barrières, l'as de la Java musette, le tombeur des balles populaires, la chapelle à la Villette. Enfin bref, c'était le bon Jules, pas bégueule et presque honnête. Il avait pas trop de scrupules, gagner sa croûte. Ah mon maître, pleurez pas dans vos mouchoirs. Non, ça n'est pas mon histoire. Mais l'angoisse c'est qu'un beau soir, il a rencontré ce môme. Son sourire en balançoire, ses grands airs et ses diplômes. L'aurait mieux fait de la maquer sur le trottoir pour 300 balles, plutôt que de s'amouracher de cette salope. En cavale, pleurez pas dans vos mouchoirs. Non, ça n'est pas mon histoire. Depuis qu'il l'a dans la peau, c'est plus le marlou que j'ai connu. Il parle de se mettre au boulot, de plus traîner dans les rues. Pour y offrir des dentelles, il renonce même au fric-frac, au coup de surin et de semelle, aux combines et à l'arnaque. Les escarpes et les marlous qui traînaient sur le macadam, faites-vous plutôt couper le cou que d'en pincer. Pour une grande dame, pleurez pas dans vos mouchoirs. Non, ça n'est pas mon histoire. Música de Reno amb aquest tema, un dels més grans i respectats cantants i compositors francesos actius des dels anys 70, Reno. I un altre dels grans també sonarà amb el nostre espai, el Leo Ferrer, que ens va deixar el 1993, monegasc, poeta, compositor i músic. En Cristi serà la cançó que recordarem. Després, des de la Catalunya Nord o des d'Occitània, tant se val, Girac, que en digui amb Jaume Abandoner, o Julian Clerc amb La Patinard, també ens acompanyaran amb aquests minuts del nostre espai, on el que més importa és escoltar música. Cristi, Cristi, quand je t'ai vu plonger, mes vergues de roc où ça cogne, des feuilles mortes se peignent quelque part dans la Catalogne. Cristi, le rite de mort aperçu sous un divan de sapin triste, je m'en souviens, j'étais perdu, la Camarde et ma camériste. C'était un peu après-midi, tu luisais des feux de l'écume, on rentrait dans la chantilly. Avec les psaumes de la brume, la mer en bas criait ton nom, se poudrier serti de larmes, où Dieu se refait le chignon quand il se prend pour une femme. Christi, Christi, Christi, Christi, mon encre Waterman me fait ton mousse d'algues douces. La mort est comme un policeman qui passe sa vie à mes trousses. Christi, je prendrai le train de marée avec le rêve de service à 19h GMT vers l'horizon qui peint des pistes. Christi du tort et du malheur, Christi perdu des revoyures, nous nous reverrons sous les fleurs. Qui là-bas pousse des augures, tous mes chevaux viendront te voir au fond de moi quand tu voudras, ils te traîneront dans l'espoir. comme tu traînes dans mes bras. Christy, je fais tes bars américains et je mets tes squales en laisse. La mort aboie de son bien, elle nous laissera son adresse. Christy, je suis triste comme un paquet, c'est ma forêt à la consigne. Quand donnera-t-on le ticket à cet employé de la guigne, pour que nous partions dans l'hiver, des brebis mortes au vent qui bêle, manger du toc sous les feux verts. Que la mer allume sous elle avec des yeux d'habitants louches qui nagent dur dedans l'espoir. Beaux yeux de nuit comme des bouches qui regardent des baisers noirs. Christy, Christy, Christy, quand tu viens de la mer, tu m'envoies ton odeur genièvre, sa belle odeur dans ce désert, les moutons broutent sous tes lèvres. Christy, et ta houle les entretient, leur laine tricote du large, de quoi vêtir les yeux marins qui dans tes vieux songes déchargent. Oh, lavandière du jusant, les galets mouillés que tu laisses, j'y vois comme des culs d'enfants. Qui dessale tant que tu baisses, de l'horizon, ta parallèle à peu près joint, il suinte un peu de ta maison, ta lumière qui s'est éteinte. Christy, Christy, Christy, ça sent le poivre doux quand ton crépuscule pommade et que j'enflamme l'amadou pour mieux brûler ta chair malade. Christy, oh ma frégate du palier sur l'océan des HLM, ta voilure est dans l'escalier, reviens vite que je t'emblème. Toi dont l'étoile fait de nuit à ces astronomes escrocs des équations dans leur fauteuil. À regarder des flammes mortes, la galaxie a pris le deuil depuis que ton étoile chante et que dans le fond de ton œil toute l'Espagne se lament. Christy, Christi. Oh, oh, oh, oh. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Un homme en noir glissait, glissait. Il avait un drôle d'habit noir qui avait dû faire des grands soirs de l'Autriche et de la Hongrie quand elles étaient réunies. C'était un échassier bizarre, il ne sort pas de ma mémoire. Sur une jambe et jusqu'au soir, il glissait là sur son miroir. Il patinait sur une jambe, il patinait. Et puis la nuit est arrivée, il lui a fallu s'arrêter, car les enfants devaient rentrer, le spectacle était terminé.